Nah, on jauh aja. Ya. Você tem que mais là comme ça, je sais pas. Tu mets dans l'herbe? Ouais, bon, dans le sable. Dans le sable? Mais c'est quoi, Amine? Mais c'est quoi? Je sais pas. C'est comme marron. C'est comme marron? C'est vrai. Thank you. un morceau déjà.